Moi, pendant la semaine de la Formule 1, à Saint-Lambert, toutes les marmottes de l'île Notre-Dame traversent. Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas comment ils font. Ils vont juste à Saint-Lambert? Ils parce que moi, j'en ai pas de marmottes. Non, moi, ils montent pas un DJ. Non, ils montent pas. J'ai des écureuils, beaucoup d'écureuils. Oui, mais t'as pas les marmottes. Mais les marmottes, mais ce qui est extraordinaire, par exemple, c'est que, encore une fois, je sais pas comment ils font. Ils prennent tout le pont Victoria, j'imagine, mais puis je sais pas quand est-ce qu'ils le prennent. Puis je sais pas par où, parce que le pont Victoria, t'as à peine la place pour passer ton char puis ton dentier en même temps. L'auto swing tout le temps. Non, puis t'en vas, fait que j'imagine. Par contre, c'est la plus belle vue à Montréal quand t'arrives, par exemple. Je m'en fous, ça swing d'un bord puis de l'autre. Non, mais faut que tu laisses aller. Je vois l'eau en bas, puis j'ai peur de passer dans le trou. Mais c'est vraiment le pont de la résilience. Faut que tu t'embarques dessus en disant, ça se peut que je meure, puis j'ai envie de mourir. Mettons que c'est pas grave. Mais ça m'arrivera pas, ça. Non, tu mourras pas, toi. Non. Ça m'étonnerait que tu meurs vraiment, là. Je serais vraiment surpris. C'est le plus beau jour de ma vie, avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Au cœur de la ville, l'été n'a pas dit son dernier mot et le mercure rebondit à nouveau. Les cigales n'ont plus de voix. En sueur, les trois insupportables écureuils suspendent le massacre en règle du potager et se réfugient à l'ombre du balcon de Anne et Marc. Dans la fraîcheur relative du salon, les deux amis ont déjà fait honneur à la bouteille de vin blanc qui trône sur l'ineffable table rapportée de Marrakech. Moi, j'ai eu un pigeon dans ma cuisine. Quand je suis entrée à 3 heures du matin, j'ai eu une souris dans mon frigo, j'ai eu un écureuil dans mon salon, puis j'ai eu une chauve-souris. T'as une chauve-souris? Qui a fait le tour. Je me suis enfermée dans un garde-robe. Ouais. Tu t'es enfermée dans le garde-robe? Oui, parce que Cédric Noël, qui habitait avec nous, et il chassait avec un balai. Et puis moi, je l'entendais le chasser, puis je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas encore que c'était une chauve-souris. Puis elle fait, c'est une chauve-souris. Je fais, quoi? Non? Fait que je me suis enfermée dans ma garde-robe, puis ça a pris une heure. Une heure à le poursuivre parce que je pense qu'il voulait pas tuer la petite bête. Il voulait pas la tuer. Il voulait la guider vers la sortie. On veut pas les tuer. Là, je m'excuse. On veut leur dire sortez. Non, moi, je veux pas de meurtre dans ma maison. Moi, une chauve-souris qui est rendue dans mon salon, je m'excuse. Elle était perdue. Elle était perdue. Il faisait noir. Elle était perdue. Un peu de lumière. Elle a pensé qu'elle trouverait peut-être une petite souris. Il y en avait tellement dans cette petite maison là. Oui, c'est ça. C'est beau. J'ai trouvé une dans mon frigo aussi parce qu'il y avait un trou dans le frigo. C'était vraiment infesté. Puis un soir, c'était pas infesté, mais ce soir-là, je suis arrivée avec ma coloc. Puis on était un petit peu éméchés. Hein? Puis là, j'ai ouvert la porte du frigo. Elle était là. Elle était dans mon sac d'épinards. Oui. Elle était vivante. Oui. Elle devait avoir frette, elle devait avoir froid. Fait que là, j'ai refermé, j'ai donné une claque sur le frigo. Puis là, écoute, il était quand même assez tard. Ça fait qu'on a crié toutes les deux. Puis on est allé dans un petit greasy spoon en face de notre appartement qui était ouvert 24 heures. On est resté là jusqu'à 6 heures du matin. Ah oui. Ouais. Et quand j'ai eu mon pigeon dans ma cuisine, il a fallu que je dorme dans la salle de bain. Entre la porte d'entrée et ma chambre. Je pouvais pas me rendre à ma chambre parce que là, le pigeon m'aurait arraché la tête. Oui, il t'aurait foncé dessus. Il avait fait plein de fientes partout dans la maison. Oui, évidemment, il avait peur, il était pas bien. Fait que là, moi, j'ai crié, puis je me suis réfugiée dans la salle de bain. Je l'ai fermée, puis j'ai dormi dans le bain avec une serviette à moitié mouillée. C'était tellement déprimant. As-tu attrapé une névralgie? Non. Mais je criais parce que, tu sais, c'était l'été, puis là, je criais, puis je paniquais, puis je fais, voyons donc, un oiseau qui vole dans ta maison, il n'y a rien de pire. Je suis là, SOS, quelqu'un, venez me sauver, quelqu'un qui peut venir ici. Oui. Puis là, il y avait un voisin dans un autre bloc appartement qui avait laissé sa fenêtre ouverte, puis il a fait, ferme ta gueule, il est 3 heures du matin, calice. Et là, je fais, voyons, tu parles de... Dis donc, mais je suis en train de mourir, là. Ben oui. Là, j'ai pas insisté. Puis j'ai gardé ma petite serviette humide, j'ai dormi dans le bain. Ah oui. Toi, t'as une histoire avec un scorpion, ça, avec un scorpion. Oui, j'ai une histoire avec un scorpion. Mais là, c'est parce que moi, j'étais aux Indes. C'est pas le fun. J'étais aux Indes dans une petite cabane de 8 par 8. J'habitais dans un ashram. Puis dans un ashram, il y avait des petites cabanes comme ça qui louaient à des comme des illuminés comme moi. C'était dehors. T'es vraiment dehors. Il n'y a pas d'isolant. Ça fait qu'il y a une petite fenêtre. Des araignées, on se promène avec une lampe de poche dans les broussailles pour se rendre à la maison parce qu'il y a beaucoup de serpents sonnettes. Puis la seule chose qu'ils effraient, parce qu'il n'y a pas de lampe à terre, c'est la lumière. Alors, il faut balayer continuellement Pas peur. Quand moi, j'aurais pas dormi jamais. Ben non, j'étais pas agréable. J'étais pas très agréable. J'avais pas une belle humeur. Je marchais. Puis là, un soir, donc, je rentre, je me couche. Puis la nuit, il fait très froid là-bas. Ça descend à zéro. Puis le jour, ça monte à 30. Puis. Ah oui, c'est ça. Alors, le matin, il fait très froid. Je veux mettre mon petit coat de jeans. J'ai un beau petit coat de jeans, vraiment bien coupé. Je suis vraiment. Tu bien l'aimes, coupé, là, je l'aime, puis il est trendy, je l'ai acheté dans un marché aux puces. Ah, ah bon. Non, il n'est pas question que personne ne crotte là-dessus. Puis là, j'essaie de le mettre, puis là, il y a une manche que j'enfile, puis quand j'enfile l'autre, je pousse, puis je fais, mais qu'est-ce que c'est? Puis là, je me bats, puis là, je fais, voyons donc, puis je suis un peu endormi, puis je continue, mais je fais, voyons donc. Il y a comme une bûche de Noël. Non, ben non, je suis endormi. Voyons, il faut se promener avec une flashlight, des buissons, trouver des serpents. Pas du tout, je suis comme, ben je pousse. Puis là, à un moment donné, j'entends clac-clac-clac-clac-clac à terre sur mon plancher de béton. Et là, je regarde ce qui est tombé. Là, je vois un scorpion d'à peu près, je dirais, 8 pouces de long. Si je parle en ancienne mesure, je dirais à peu près, si je fais la conversion, 12 mètres de long sur le plancher de béton avec sa queue qui est vraiment, qui me darde, là, qui me oh, vraiment comme Thierry Lafronde qui me regarde. Puis là, il me regarde. Puis là, il bouge pas. Mais là, il était entre la porte. Si tu les regardes trop, ils vont prendre ça pour une invitation. Oh, je pense pas que cette intelligence-là. Non, le scorpion, lui. Je sais même pas si ses yeux servent à quelque chose, franchement. Je pense que lui, il pense avec sa queue. Il est comme bien du monde que je connais. En tout cas, puis là, il pointe. Ben je bouge pas. Je bouge pas parce que je connais pas la vélocité de cette affaire-là. Je sais pas si il est capable de faire pong pong ou s'il fait juste comme ou s'il fait oh non. Fait que je le regarde puis j'attends. Puis on se regarde comme ça, ben on se mesure. T'sais, on est noble quand même. Il n'y a pas de petits scorpions. Il n'y a pas de famille. Je vois pas de famille. Non, c'est vraiment un scorpion, ce qu'on appelle le scorpion égaré, là, des Indes. Des Indes. Il s'appelle de même. Et là, il y a, à un moment donné, je fais, je vais essayer avec les sons. Peut-être que ça a des oreilles, des scorpions. J'ai jamais su si ça avait des oreilles. Je fais, hey! Hey! You bitch! Va-t'en chez vous. Va-t'en. Ben, ça, je pouvais pas y parler avec des mots parce que je me doutais pas que même s'il y avait des oreilles. Ben, tes sons, là, c'est guère mieux. Ouais, mais il y a 110 dialectes aux Indes, là, avant que je tombe sur le bon. Fait que là, je commence à y dire. Dieu, Marc. Fly. Never mind. Voyons, c'est des mots, ça. C'est pas un dialecte indien, c'est de l'anglais. Oui, mais l'anglais, tu sais. C'est universel. Donc, je sais. J'arrive à la porte et là, j'ouvre la porte. Et là, il sort pas. Y a-tu baissé sa queue? Il avait toujours la queue bien, bien dardante. C'est ça. Fait que là, je cherchais un soulier, mais le soulier était en dessous de mon lit. Il aurait fallu que je refasse le tour dans l'autre sens. J'ai pas été vite là-dessus. J'aurais dû prendre le soulier en dessous, puis juste comme. Je te comprends. J'en étais vraiment complètement folie. J'étais comme sur le Titanic, moi. Puis là, je sors dehors, et là, il y a un hippie allemand avec qui j'avais jamais discuté. Hippie, viens ouais, ici. Fait que je fais German Hippie. Ouais. German Hippie. Ouais. Il est venu. Ouais. Et là, lui, il avait des gros, tu sais, c'est un vrai hippie. Il y a des grosses godasses en bois. Il y avait des sabots, là. Oh, tu sais, des sabots qu'on avait au cégep, là. Il y avait ça. J'en ai eu de ça. Moi aussi, j'en ai eu de ça. C'était épouvantable. Les couleurs pêche. Moi, il était en bois. Hein, oui, moi aussi. Moi, c'était en bois? Oui, je les avais pris chez un antiquaire. Il y avait-tu des petites fleurs séchées de peintre dessus? Non, c'était de la peinture un peu patinée. J'ai trouvé belle, c'était comme deux tulipes chaque bord. Je mettais juste pour les soirées spéciales. Je peux pas croire, j'ai mis ça. Puis qu'est-ce que tu mettais en haut? J'avais une grosse jupe. En jute? À carreaux. En laine. T'avais-tu des bas de laine avec les couleurs, le gris et le rouge? J'en avais tricoté! Que t'avais tricoté? J'en avais tricoté, mes amis! Avec des fleurs de lys! Pour des coups de tête! Garoulou? Oui! Quand Biron rentrera dans Paris? On chante là-dedans! Quand Biron rentre dans Paris! Il s'affole! J'ai jamais compris le mot qu'il disait. Ça, c'est merveilleux. Ça, j'ai jamais su ça de toi. De quoi? Oui. Ah oui. À l'adolescence. Des sabots avec des tulipes, des bas de laine tricotés avec une jupe à carreaux, des fleurs de lys. Si je capote un c'est peu. C'est pas moi, je les avais offert en cadeau à mes meilleurs amis. Ils étaient tellement contents. Ben, je comprends. Oh mon Dieu. Mais non. T'as plus ça, hein? T'as plus ça? Es-tu fou? Attiré par les rires de Anne et Marc et devinant que c'est l'heure de l'apéro, Joseph, le voisin de toujours, arrive à l'improviste. Avec lui, le très anglophone bassiste Troy. Tribute à Guy Boucher et Ginette Sage. Près de chez moi l'autre soir, je me trouvais par hasard devant le jukebox. quand j'entendis tout à coup une chanson que j'aimais, j'aimais beaucoup. Pour l'écouter à nouveau, je cherchais son numéro devant le jukebox. Devant le jukebox. Mais sans m'en laisser le temps, une fille voulut me passer, passer devant. Permettez, c'est à moi. À moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Parce que. Allons. Allons. Voyons. Voyons. Mais non. Mais non. Mais si. Vraiment, c'est un peu fort. Oui, fort. Alors, alors. Que faire? Que faire? Misère. Tant pis. Et puis, on s'est souri. Je me suis donc effacé et je l'ai laissé passer devant le jukebox. Devant le jukebox. Sans hésiter un instant, nous avons en même temps choisi la même chanson que justement nous aimions. Et comme nous étions heureux, on a dansé tous les deux devant le jukebox. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval sur ICI Radio-Canada, première. Comme on se connaissait mieux, on a bavardé un peu devant le jukebox. Devant le jukebox. Et l'on voulut tour à tour se choisir une jolie chanson d'amour. Permettez, c'est à moi. À moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que. Parce que. Allons. Allons. Voyons. Voyons. Mais non. Mais non. Mais si. Vraiment, c'est un peu fort. Plus fort. Alors. Alors. Que faire? Que faire? Misère. Misère. Tant pis. Et puis, on s'est souri. Nous ne pouvions nous quitter. Longtemps, nous sommes restés devant le jukebox. Devant le jukebox. Et comme on s'entendait bien, nous nous sommes dit à demain. Et c'est depuis cet instant que l'on s'est revus souvent. Nous nous souviendrons toujours que l'on s'est connus un jour devant le jukebox. Comme tout le monde, et parce que c'est dans l'air du temps, Anne et Marc sont fascinés par le métier de détective privé. Sans pipe, sans moustache et sans loupe, le détective Rémi Calassian savoure son verre de vin. Comment ça se passe quand la cliente ou le client ils viennent vous? Est-ce que vous avez un bureau avec comme éclairé comme juste la nuit, avec un lampadaire? Ah oui, puis des vitres teintées. Puis des vitres teintées avec votre nom écrit en demi-lune. Ah, Remy oui. Investigations. Ah, oui. PP Investigations. Ouais, puis là, c'est tout y a... le temps un peu vert avec une ligne noire en dessous. Puis là, on ouvre la porte, puis il y a un chat qui... Une porte en bois avec une, porte en une bois. Vitre un peu. Oui. Avec un gros bureau en chêne. Oui, comment ça... Petite lampe de bureau. Où on vous appelle sur Internet. C'est drôle, là, vous dites ça, Marc, mais malheureusement, ça, c'est mon rêve, toujours, d'avoir ça. Mais malheureusement, c'est moderne. On a une salle de conférence normale. Ah oui, OK, après, avec une Marie, tranquille. Alors, mais ça, c'était mon rêve. Comme vous dites, là, avec le nom écrit, comme dans les films, exactement. Ouais, comme oui, dans le temps de Simon & Simon, ou peut-être le Magnum ouais, P.I. Oui, c'est là, ça, puis, c'est toujours... Il faudrait que ce soit Remy and Remy. Remy and c'est Remy. Toujours, toujours quelque chose de quelque chose. Oui, oui, oui, c'est ça. Ah, OK. Fait que donc, on vous appelle, donc, puis on va vous voir. Exactement. Et on va s'asseoir avec vous ou vous allez chez la cliente. Quand elle m'appelle, j'explique au téléphone un peu qu'est-ce qu'il y en a. Je le guide. Après, on se rencontre. Et là, je prends les détails. En prenant les détails, est-ce qu'il faut-tu mettre un enquêteur, deux enquêteurs? Là, je guide le client ou la cliente. Et puis après, on choisit les dates, les heures, et on procède avec la surveillance. Mais ce que tu fais, c'est que tu travailles pour des clients qui te demandent de faire de la filature. En général, c'est surtout ça? C'est là où il y a des problèmes, tout simplement. On va prendre les particuliers, c'est-à-dire les individus. Mmh. Là, on parle des fameux cas d'infidélité. Ah oui. Garde d'enfants. Oui. Il y a les compagnies, le fameux CSST. La CSST pourrait t'engager, t'engage... Ça, c'est, normalement, c'est... Oui, la CSST pourrait nous engager, mais aussi les compagnies qui vont dire l'employé qui a mal au dos, mois de juillet, toujours les deux dernières semaines de juillet ou les trois dernières semaines oui, de juillet. Il a mal au dos. Ben, c'est là, le fameux... Ben oui, le fameux mal de dos de juillet. De la construction. Oui, oui, le fameux mal de dos de juillet, là. Alors, ils vont te demander, toi, d'aller vérifier s'il y a vraiment mal au dos ou s'il profite d'un congé payé pour aller refaire sa toiture ou brouter. Est-ce que les gens en général ont raison d'être aussi méfiants? Est-ce que la plupart du temps, quand on vous appelle, vous arrivez à un résultat où c'est clair que la personne essayait de fourrer le système, finalement? C'est bien dit. À 95% du cas, je dirais que oui. Les gens qui ont des doutes avaient raison d'avoir des doutes. Oui. C'est indiscret de savoir combien, par exemple, dans quelle échelle vous êtes. Est-ce que vous êtes payé à l'heure, par exemple? On est payé de l'heure. Là, ça peut aller de 60 à... Tout dépend du travail qu'on fait. Effectivement, de 60 à 150 $ de l'heure. OK. Est-ce que... vous avez suivi la saga de Julie Snyder? Oui. Est-ce que la personne qui la suivait, qui a été assez facilement, apparemment, en tout cas, repérée par Julie... Est-ce que c'est parce qu'elle faisait mal son travail ou parce que... Julie était trop, était trop rapide. Ouais, puis elle s'en doutait trop. J'aime pas ça parler de ce dossier-là, non, mais juste pour dire comme ça... Écoutez, je peux pas prendre... Je m'en vais avec ce qui est marqué dans le journal, mais est-ce que, comme vous dites, est-ce que Julie a été... Mme Snyder, plutôt, je devrais dire, a été avertie ou non? On ne sait pas. Donc, c'est tellement dur à évaluer qu'on ne peut pas être invisible. Ben non. Alors, veuve pas, on va être là. Et si la personne commence à surveiller ses arrières, il y a des méthodes pour de faire attention. Là, on ne fait pas exprès non plus, mais il faut quand même faire attention. C'est sûr, après qu'on fait une filature, des fois, on se dit, mon Dieu, j'aurais pu être assis au siège en arrière puis il ne m'aurait même pas vu. C'est ça, exactement, oui. Tu sais pas avant. Mon but, c'est d'apporter des informations à la cliente. Pas de savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas. Mais oui. Ça te tente pas des fois? T'es pas curieux? Sans demander à la personne qui t'a... Sans demander à ton client d'aller voir qu'est-ce qui se passe puis peut-être de découvrir quelque chose. Écoutez, j'avais suivi... on va dire... Attends un petit peu, il faut que je fasse attention à mes mots. Dans le domaine de sport, tiens. OK. On regarde ça très général. Parce que c'est une célébrité? Effectivement, oui. Oh. Et puis... Il y avait eu, à un moment donné, il y a eu un échange. Tu parles d'un échange d'enveloppe? Échange de... Écoute, les deux chars qui s'arrêtent un à côté de l'autre. Okay. Ah oui. Puis ils font un genre d'échange. Tu le vois, là, mais échange de quoi? C'est-tu de l'argent? C'est-tu de la dope? L'argent, on l'a vu. Parce qu'on a réussi à filmer avec le zoom. OK. Puis elle donnait comme une... les petits... comment qu'on appelle ça, là? Des buvards, sachet. Mais... Ah, de la coke. Non. Je peux... Voyez-vous, c'est ça. Pas. C'est ça. Okay. Je peux pas confirmer. Donc, je peux pas dire, est-ce que c'était-tu des pilules? C'était-tu des drogues? Mm-hmm. Alors, je peux pas. Fait que là, elle me dit, ben c'est possible, il arrive qu'il prend des pilules. C'est possible. Tout est possible. Elle, c'est sa blonde ou la cliente qui t'a engagée? Elle soupçonnait d'infidélité. Okay. Puis ça n'a jamais donné ça, finalement. Il n'était pas infidèle. Ah, il était infidèle, oui. Ah oui. Parce en que plus... quand on fait une filature, c'est comme quand on creuse, on va découvrir des choses. Ben oui, c'est ça. Quand on fait une filature, on va découvrir des choses. N'oubliez pas. Est-ce que vous allez dévoiler, excusez-moi, là, je vous coupe, mais est-ce que vous allez dévoiler des choses que tout à coup vous apprenez que la cliente ne vous a pas demandé? Oui, ben on, oui, parce vous que vous allez tout balancer. Oui, je veux vous dire... allez tout balancer. Oui, je le dis, puis je fais toujours attention qui, comment, quoi, parce que comme j'ai dit, chaque cas est différent. Je vous donne le fameux exemple. On suit encore une fois cas d'infidélité, et là on le suit. Mais là, je sais que ma cliente, là on le suit. Je pense que c'est comme vendredi ou jeudi, en tout cas, on l'avait suivi. On a eu notre preuve d'infidélité. Il était parti avec une danseuse. Bon. Là, je pense que c'était jeudi, mais vendredi, je vais voir la cliente. J'amène des fleurs, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, elle va se faire opérer. Fait que là, elle me dit, j'ai pas eu de nouvelles hier. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je dis, ben rien, écoute, il a même pas sorti, il a même pas bougé, il est juste resté là. Là, je suis obligé de dire une mentrée. Mm-hmm. Elle va avoir une opération, ça me tentait pas de dire, c'est ça. Oh! Mm-hmm. Voyez-vous? Ça, c'est tout à votre honneur. Non, mais ça, c'est gentil de faire ça. J'attends. Elle n'est pas prête. Puis quand est-ce qu'on bien. Fait la prochaine surveillance? Oh, on va y aller vendredi prochain. C'est bon. Lundi, comment tu te sens? Es-tu correct? Oui. OK, parfait. Boum. Quand tu as annoncé après à la femme que son mari la trompe. Là, tu fais du damage control psychologique assez effroyable. Oui, j'imagine. J'imagine que là, tu as des crises, comment ça se passe, en fait? Déni, est-ce qu'il y a des gens qui ne te croient pas exactement? Est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas te croire? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en crise après toi, qui sont fâchées après toi, qui sont comme... Fâchées après moi, non. Non. Je dirais plutôt, qu'est-ce qui vient souvent, c'est... je savais. OK, je le savais. Soulagement. Ceux qui sont drôles puis qui sont plaisants comme clientes, là, c'est... Ah, il y en a qui prennent ça avec humour? Oui. Puis, es-tu plus belle que moi? Ah! Le fait. OK. Ben oui, mais ça, c'est un classique, c'est normal. Okay. Souvent aussi, ils vont garder... Puis attention, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font, c'est que... Parce qu'ils vont garder, mettons, pour leurs enfants. Parce que ce qui arrive, la partie adverse va dire... Ah, c'est ta mère qui triche, ou bon, c'est ton père qui triche, peu importe, là. Tu sais, ils vont blâmer l'autre partie. Mais en ayant ça... Oui, OK, qui peuvent appuyer leur garde. Il y a la preuve ici. Voici. Oui, oui. Qui arrête de dire ça. Fait qu'au bout de ligne, c'est plus pour un... excusez-moi mon anglicisme, non, peace of mind. Oui, c'est ça, une paix d'esprit. C'est juste pour avoir les choses claires, puis établies, puis des preuves. Regarde, tu vas arrêter de me dire démentir au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des cas que vous pouvez refuser, des fois, pour toutes sortes de raisons? Je ne sais pas, est-ce que ça vous est arrivé de refuser des cas? Oui, les cas fatigants, là. Puis c'est quoi les cas fatigants? Pour être dit, c'est parce que elle est la maîtresse, puis... Bien là, je veux que tu suives mon amant, puis je veux donner la cassette à la fille. Attends une minute. La maîtresse? La maîtresse. De... Je vois déjà dans votre œil qu'elle vous tape ses nerfs, cette maîtresse-là. Elle est bien fatiguante. Non, personne ne me tape ses nerfs. Vous avez un petit œil, là. Garde, va y dire tout simplement que tu triches avec. Pourquoi dépenser de l'argent? Puis pourquoi faire de l'énergie? Attends, elle, c'est la maîtresse. La maîtresse. Donc, elle, déjà, elle trompe la en fait, la elle femme, trompe personne, parce que c'est le gars qui trompe sa femme. Elle, c'est sa maîtresse. Bon. Exactement. Elle ne doit rien à personne, elle. Non. Bon. Elle va dire, viens me filmer. Elle veut être filmée. Puis je vais envoyer ça à la femme. Ah, puis ça, c'est de l'argent. Ah, oui, OK. Ah, oui, comme... je comprends, OK. Ah, ben non, ça, c'est une connasse. C'est une pétasse. Crise de folle. Ben, fatigante, franchement. Elle veut le pain, le beurre et l'argent du beurre, puis la crémière. Sur un moment donné, il faut qu'elle se calme. Hey, garde, là, Richie. Je veux que... Hein? T'es à bout. J'y aurais étudié, moi. T'as bien fait. Ben. Merci. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est correct. Non, mais ça, c'est pas ton travail de faire ça. C'est même plus du détective privé, là. Non, c'est d'être entremetteur, puis de... Non, c'est ça. Je la filme la tout nue, puis je t'envoie la cassette. Garde. J'y aurais donné une claque. Mon secret professionnel ne me permet pas de dire que cette cliente est... Connasse, une imbécile. Moi, je le dis pour toi. Et je vois que ça te fait plaisir parce que tu souris. Tu n'as jamais souri autant. Non, parce que. Depuis que tu es arrivé ici. Tu es content quand je la traite de connasse, non? Ça fait du bien, ça doit être le. Il y a peut-être ça un peu qui contribue. Toujours la faute à l'alcool. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment tu dis. Rien que des mots. Et tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours. Ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles, paroles, paroles. Je t'en prie. Paroles, paroles, paroles. Je te jure. Paroles, paroles, paroles, paroles, paroles. Et encore des paroles. Que tu sais, mauvais. Voilà mon destin, de parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole et parole et parole. Écoute-moi. Parole et parole et parole. Je t'en prie. Parole et parole et parole. Je te jure. Parole et parole et parole et parole et parole et encore des paroles. Que tu sèmes au vent. Que tu es belle. Parole et parole et parole. Que tu es belle. Parole et parole et parole. Que tu es belle. Parole et parole et parole. Que tu es belle. Parole et parole et parole et parole et parole et encore des paroles que tu sèmes au vent. Maintenant que la flûte de Pan et le chant de gorge inuit n'ont plus de secret pour eux, Anne et Marc veulent assouvir leur soif de guinguettes et de bal musette. Pour s'initier aux joies de l'accordéon, ils ont invité le professeur Yves Elie. Pourquoi se spécialiser en accordéon plutôt que... Parce que c'est un instrument qui est un peu compliqué, il me semble. C'est... Bien, c'est l'influence de mes générations. Puis on avait un magasin de musique, puis mon père, bien, mes parents, ils étaient le seul magasin à peu près au Québec qui tenait des accordéons sur les tablettes et les gens ne les achetaient pas par catalogue. Fait okay. Que là, puis souvent, mon père était parti, fait que ma mère n'en jouait pas, puis nous, on restait en haut, le magasin était au sol. Je disais, hey, viens essayer l'accordéon pour le monsieur ou pour la madame. Fait que souvent, de voir un petit jeune de 10, 12, 13 ans, ça influençait le mononcle de 90. Ben oui. Il disait, hey, lui, il est capable, moi aussi, je vais être capable. Fait que souvent, ouais. Il achetait. Puis... Est-ce que tout le monde est capable, effectivement, de jouer ça? Parce que c'est un très... Nous, ça fait... Je pense que, Anne, je ne vais pas parler pour toi, mais ça fait 15-20 ans là, que je veux comme ouais, essayer de commencer à apprendre ça. Une là. Personne sur 200 000 y arrive. Une personne sur 200 000. Ouais, une personne sur 200 000. C'est quand même bon. D'un coup qu'on serait des les élus. Ça veut dire que nous autres, à deux, nous autres, c'est 400 000. On représente 400 000 Québécois. Peut-être qu'on pourrait... Des exceptions, ça se peut. Là. Est-ce qu'on le sait vite si on est doué pour ça ou c'est comme le lutte? Quand j'ai commencé mes cours de lutte puis de clavecin, moi, ça s'est révélé assez tard que je n'étais pas doué pour ça. Au début, j'avais l'air très doué pour ça. Moi, je ne répondrai pas à ce que tu viens de dire. Alors, est-ce que... Non, mais est-ce qu'on sait vite si on est doué pour ça ou... Ah oui, tu vas le savoir. Ben écoute, tu vas le savoir, c'est vite. Mais j'imagine, on peut même pas sortir une belle note en 5 minutes, là. Ben, il y a oui. Tellement de pitons, puis de claviers, puis d'affaires. Tu vas pouvoir, Anne, c'est sûr non, que tu vas pouvoir, parce que sur le violon ou sur un instrument à cordes, si t'arrives en deux cordes, où ça sonne tout croche, ben, là-dessus, si tu trouves la bonne, c'est sûr que ça sonne bien. Mais si t'as trouves pas, ben, c'est si t'as trouves, ouais, tu vas en faire plusieurs, mais ils vont tous bien sonner au moins. Bon, de quel côté il faut le tenir, ça? Parce que là, OK, ben ça va sur... Pas. Est-ce qu'on commence? Ben, c'est parce qu'il y a une tétine de chaque côté. Il y a plein de tétines. Ouais, tu vois, là, il y a des tétines en haut, il y a des tétines sur la poignée. Rentre ta main gauche dans la tétine gauche. Ça, c'est ma main gauche ici. OK. Dans la tétine. Ici, il faut que je pèse la tétine. Ça, non, pas de non, suite. Ben là, pas celle-là. Pose-la sur ta cuisse. Fait, oui. Ben, détachez-la avant. Oui, on va le détacher. Faut le détacher, ben oui. Ah, oh, mon Dieu. Il y en a un avant. J'ai joué, c'est du bac, ça. Oui, j'ai. Ah, il y en a un en avant. Comme ça. J'ai fait un accord de bac. Ici. Fait que là, tu vois, vous avez une ganse de pouce, on rentre le pouce dedans, c'est pas une parure. Ici, la ganse de pouce, ah oui, c'est comme un vieil appareil de contraception. Puis ici, ça va à la paume de la main. La qui pomme. Ça? Ah oui, ça. Ça, c'est de l'air. Est-ce qu'avec la paume de la main, il faut peser sur la bisoune ici, sur la tétine? Mais pas le pouce, avec la paume. Avec... Ah, avec la ça, pompe. Ça, c'est de l'air. Ça fait juste donner de l'air. Ah oui, c'est comme un vent, hein? Ouais. C'est quand même malade. Je le sens, hein? Mon Dieu. Ma main est plus fraîche. Ah, c'est comme... Oh, mon Dieu. Ça c'est tout petit, là. C'est pas hey, t'as joué au clair de la lune, là? Ben... ça, mais... ça va sur la cuisse gauche. OK. C'était des okay. sons. Ben, idéalement, il faudrait pas que je sois en Bermuda, mais là, je suis. Fait, quand on est en short courte, c'est que ça pince le poil. Ah, ben oui, c'est ça. Ah, oui. C'est parce que, ou alors, faut pratiquer une épilation. Ça épile assez facilement. Ça. Ah, oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Bon, moi, j'en ai un pas. Un truc à la cire. Mais ça fait du bien une fois qu'on n'a plus de poils. Là. Attends, ouais. On va sortir mon pouce. Hop là. Colique. Hey, je sais. oui, lui. Okay. OK, là, vous allez avoir des petits sons clairs. Promenez-vous ces notes. Ah, c'est beau, là. Ah, j'ai vraiment comme. Ah, je me sens dans. Ça change toutes les en sons. En même temps, dans le lui, bois, c'est puis son, en Europe. C'est le son ouais. de la barre, c'est le basson. Ça, c'est... Ah. Le grave. Mmh. C'est ça beau, là. T'es donc bien bon. Ça, c'est la fameuse complainte de l'orphelin anglais. Ben oui. Oui, c'est Oliver Twist, en fait. C'est le thème d'Oliver Twist. Can I have some more, please? Oh. Can I have some more? Son pauvre petit chou. Non, j'ai envie de pleurer. I would like to have some more. Oh. A little porridge. A little porridge. Oh, du ouais. porridge. Oh, ouais, porridge, ça porridge. Ça va encore bien. OK, j'aimerais ça entendre Yves faire un... Oui, moi, j'aimerais ça aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui. Est-ce que tu... Comment tu fais? Est-ce que tu fais le romantique, baroque, renaissance, intéressant, préhistoire? Qu'est-ce que tu fais? Nostalgique. Là? Le morceau nostalgique de la semaine, ouais. Donc, ça s'appelle comment? Ben, je vais vous le faire découvrir. OK, d'accord. Okay. On t'écoute. Ah ben oui. Oh, c'est Bobino! C'est Bobino, ben, c'est ça. Bon, ah, moi... Je... C'est bon, tu mets de la trille dans tout ça. Ça, c'est Herbert Rof, hein? Ouais, ça, le compositeur, oui, c'est Herbert Rof. Oui. Qui faisait beaucoup de musique pour Radio-Canada. Il faisait tout pour enfants, pour en tout cas. Pour enfants, oui. Larry Bouledingue, Monsieur ouais. Surprise, le Grugeau et Délicat, Dallas. Ah, oh, c'est Nasty cute. Je me sers de ça là, pour rappeler les souvenirs. Ah oui, non, c'est... Hey, bon. On apprend-tu la toune? Oui. Là, hey, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est-tu obligé de mettre notre pouce dans le... Oui, oui, oui. Il faut choisir ses contraintes, mais c'est... Parce que, si ben, sinon, pas, ben, ça se contrôlera pas bien. C'est que le pouce, soit que tu le mets en arrière ouais. ou que tu le mets sur le côté, comme ouais. ça. Ouais! Ah, sur la cuisse? Voyons! Oh, sur la cuisse, ben, oui. Hey, moi, la Anne, cuisse... T'es tellement là... bouleversante, tu le lèves dans les airs. Ben non, mais j'ai pas le bon. Fait que là, on y va, ben, avec idéalement, avec le voisin du... Le du majeur, doigt méchant. Le majeur, le doigt, ouais. Le doigt du plaisir. Tu veux le majeur? Non, ou... on va prendre son voisin plus bas. Ah, le... Ah, on prend le... L'auriculaire. Non, l'auriculaire, c'est le plus petit. Non, c'est l'annulaire. Non, c'est l'annulaire. L'annulaire. L'annulaire, ouais. Le doigt du repentir. Hey, je vais y aller 15 secondes avec Marc, après ça, j'arrive avec toi. Non, je le sais, moi, je gâche tout. Oui, qu'est-ce que... Comme ça. Petit doigt en tirant. Pouce au-dessus. Ah. Pouce au-dessus. Pouce en haut. Pouce au-dessus encore. L'autre bouton au-dessus. Ah, l'autre bouton au-dessus. Hey, avec mon doigt du plaisir. OK. Ça donne ça. Je ne suis jamais capable d'enregistrer, de faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Oh, on apprend Bobino. Ben oui, ben OK, oui. Il fallait juste... Ah, OK, Bobino. Là, je l'entends. Okay. OK, ça, c'est trois notes pareilles. Tant, attends. Non, plus bas. Petit doigt. En tirant. Pourquoi on toujours pousse en au-dessus. Tirant? Pousse. Pousse au-dessus. Ouais! Ah! Encore. OK, je vais essayer encore. Je vais prendre de l'air. Comme, hey, c'est vraiment comme... Hey, c'est là, comme, c'est comme si je manipulais quelqu'un qui faisait de l'emphysème. Petit doigt. Petit doigt en tirant. Petit doigt en... Pousse au-dessus. Pousse. Ouais, là, tu reconnais hey, Bobino. Là, là je suis dedans, là. Bobino. Dead on dessus. Anne, c'est ton tour. Okay. Let's go, Anne, t'es capable. On retire ça encore? Ah! Oh. Hop. Hop. Hop. Hey. Hein? Mais c'est ça. C'est parce que là, ce que je viens de réaliser, là, c'est que sur la même note, avec le même doigt, Si on tire, ça fait un son. Si on repousse, ça fait une autre note. Oui, c'est ça. C'est vraiment c'est pas difficulté. La même note. Non, c'est la difficulté. Mais c'est ça, ça peut me prendre un certain temps avant de comprendre ça. Ben, comme aujourd'hui. On y va à notre rythme, mais moi, je suis pas. Moi, on n'est pas obligé de faire un show tout de suite. Je suis très lente. Et, des c'est... deux, des trois. OK. Attends, il faut que je retrouve. Attends, j'ai pas changé, ne changez pas. OK. On tire. En poussant, en poussant au début. On commence. On pousse. Petit doigt. On pousse l'autre, pousse l'autre dessus, pousse l'autre, pousse l'autre. T'as juste sauté une note. Ouais, c'est celle-là, là. Ouais. Ouais, ah, Anne, yeah, come on, girl. Ah, ouais. On tire, là, ou on pousse? Il n'y a plus rien à pousser, moi, il est squeezé. Là, il faut que tu prennes de l'air. Oh. Oh. Ça fait... Là, il manque juste ça. Puis tu n'as même pas besoin, c'est ça. Hey, c'est magnifique. Hey, mais merci beaucoup, Yves. Bravo, hein. Hey, merci. Hey, ça fait un plaisir. Puis tu reviens quand tu veux. Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Chaque mille que je parcours semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. J'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Afin de terminer la journée en beauté, tout en dépensant le moins d'énergie possible, Anne fait découvrir à Marc un de ses jeux préférés. Un certain Xavier, accompagné de son ami Max, les ont rejoints. Assis en indien sur le vieux tapis persan, acheté dans un marché aux puces, les quatre compères se goinfrent de chips. Ça s'appelle le jeu du synopsis. Oui. Alors, le but... Vas-y donc, Xavier, explique-le, parce que tu es tellement concis et précis. Tu vas tout nous expliquer ça. Mais alors, c'est le jeu du synopsis ou du télépresse. C'est mon ex-belle-mère qui m'avait montré ce jeu-là, que j'adore et auquel je joue depuis. C'est une variation sur le jeu du dictionnaire. Ouais. Le jeu au dictionnaire. Ouais. On est tous autour d'une table avec un dictionnaire. C'est extraordinaire. On choisit un mot, puis on choisit un mot. Puis chacun écrit la définition qu'il pense être éventuellement la vraie définition d'un mot que personne, a priori, ne connaît. Ouais. Tout le monde écrit sa définition, on regroupe les papiers, puis anonymement, la personne les brasse, les lit, puis tout le monde autour de la tablée retient donc les définitions du mot, du dictionnaire. Et à la fin, on passe au vote. Chacun vote pour la définition la plus qui pense être la bonne. Ouais. C'est le même concept, ouais. Mais avec des mauvais films. Des mauvais types de films. Comme par exemple Le Secret de Brian, qui sont, qu'on trouve dans le télépresse, dans la catégorie, là, en tout cas, c'est facile, là, dans le TV Hebdo. Oui. Par exemple, si moi je commence, je dis à tout le monde, avez-vous déjà vu Rififi à Tokyo, ou Le Secret de ou La Grande Douleur de Géraldine, tu sais, okay. Okay. La Vengeance, tu sais, bon. Oui, oui, c'est alors, ça. Alors, j'ai emmené mon ami, Max, qui est très bon à ce jeu. Qui est très bon. Max, Anne. Un redoutable joueur. Fucking genius. Ben oui. Yeah. OK, ben moi, je vais commencer, OK? Je trouve un titre de film. OK, on trouve un titre, elle nous demande si on l'a vu. Si on l'a pas vu, on le choisit, on écrit notre définition. Et moi, quand je le choisis... On donne des étoiles, on donne une date. Non, tu ne donnes pas d'étoiles, tu ne donnes pas de date, tu ne donnes pas d'informations réalisées par, tu n'inventes pas de nom. C'est un synopsis. Okay, c'est alors, c'est par exemple La Colère de Brian. Je l'aime beaucoup celui-là, je ne l'ai jamais lu, mais j'espère qu'un jour ça va me tomber dessus. Mais, donc, La Colère de Brian. Un jeune étudiant solitaire trouve un remède à son impopularité en faisant l'acquisition d'un cabot aux étonnantes facultés. Un chien qui sait parler, maintenant. OK, parfait. Okay. Point. Brian. Okay, c'est faut que ça soit... situation, verbe. Blablabla. Comme il y a dans le TV Hebdo. Ça peut aussi être juste les tribulations d'une jeune stripteaseuse pendant les années folles à New York. OK. OK, ouais, c'est simple comme ça. Dire, là, mais faut que ça. Non, mais ça se peut, ça. Il faut que ça soit plausible quand même. Ben oui, parce que tu veux que les gens votent. Ben toi. Oui, évidemment. Et puis toujours en français. Hein, on ne prend pas des titres non, anglais. Non, c'est moins le fun. Attends, moi j'en avais vu un. C'est fou parce que tu te mets à penser à des définitions avant même d'avoir su le titre. C'est pas bon, ça. Ah, t'en as un? Qu'est-ce que c'est? OK. Le pacte de grossesse. Oh, boy. Oh, mon Dieu. Et puis, Max, c'est la première fois que je le vois écrire. Hein? Ah, ben, il est très, très concentré. Ah oui, puis je vois ça. Ouais, il est très exigeant. Il est très exigeant. Toujours un tour de réchauffement qui... Oui, puis je vois ses doigts tendus, puis tout ça. Là, oui. Il est complètement investi. Anne, est-ce que... As-tu lu le mien? Je ne l'ai pas lu encore. Mais non, mais il faut que tu te prépares, il faut que tu le lises. Oui, je sais bien. Il faut que tu le répètes dans ta tête. D'un coup, tu ne comprends rien de ce que j'ai écrit. Je veux que tu me confirmes que... Pardon, j'ai raté. Que tout est lisé. Tu sais que ça fait à peu près 15 ans. Non, je suis là qu'on se connaît, Anne. J'avais 15 ans. Bon, je n'avais pas 15 ans parce que je n'ai pas 30 ans, ça, c'est pas vrai. Mais ça fait plus d'une décennie que je rote tout le temps devant toujours. Anne. Et à chaque fois que je rote, elle fait « Oh, il a roté. » Elle mais le oui, dit mais... à chaque fois, il n'y a pas moyen roter sans qu'elle accuse le coup à chaque de, fois. Oui, à chaque fois, elle demande à ses enfants. T'sais, on est entre nous, on est un an. Elle a une chaudière pleine d'eau bouillante dans les mains, une casserole sur la tête. Elle est en train de prendre une pinte de lait. Elle dit quand même, il a roté. C'est parfait, ça. Bon, regarde. OK. OK. Je les mélange. OK. OK. Le pacte de grossesse. Ah oui. Un pasteur controversé de Liverpool fait preuve des plus grandes bassesses afin de sauver l'honneur d'une violoniste prodige. Bon. Le pacte de grossesse. L'enquête d'une journaliste sur l'épidémie de grossesse dans son ancienne école secondaire prend une tournure inattendue. Simple, clean. Ah oui, c'est parfait. Plein de mystère. Le pacte de grossesse. Afin d'éviter à sa fille l'opprobre d'une union illégitime, une mère invoque le secours d'un enchanteur excommunié. Mais voyons donc. Et là là. Je le sais. Le pacte de grossesse. Des rescapés survivants d'un crash d'avion sur un atoll désert décident de repeupler méthodiquement la planète. C'est bon, là? Oui. C'est très bon. Oui. Hey! Tu commences. Marc, je veux dire. Moi, je dirais que c'est la troisième, je pense. Attends, la troisième, excuse-moi, c'était... Excuse-moi, là, j'étais... Afin d'éviter à sa fille l'opprobre d'une union illégitime, une mère invoque le secours d'un enchanteur excommunié. C'est pas celui-là. L'enquête d'une journaliste sur l'épidémie de grossesse dans son ancienne école secondaire. J'irais pour ça, je sais pas. Ouais. Xavier? Calice. Ben, repeupler méthodiquement la planète. Repeupler méthodiquement la planète? Parce que je trouve ça tellement singulier. OK. Xavier? Tu m'énerves, tu me regardes, c'est toi qui l'as écrit, je te tue. Max? Moi, je vais prendre le deuxième. Ouais. La journaliste? Bon, ben... Écoutez, la journaliste, c'était le bon. C'est quoi? L'enquête d'une journaliste sur l'épidémie de grossesse dans son ancienne école secondaire prend une tournure inattendue. Mmh. C'est un film français? Je me souviens plus, mais c'est côté zéro. Je veux le voir. C'est minable. Zéro, c'est minable. Oui, oui, c'est minable dans les... Mais ça, c'était dans un télépresse de Caen 2011. Fait que un point pour Max. Oui. Deux points pour Marc. Un point pour Anne. Oui. Puis zéro pour le trou de cul. Bon, ben, coudonc. Bon. C'est bien merveilleux. C'est quand même fun, ce jeu-là. On en fait-tu un autre? Oui! Hey! On en fait huit autres. OK, on en fait au moins un tour de... Ah, ben, oui. Pardon? Est-ce que je donne le titre? Je te mangerai. Je te mangerai. Wow. Tu dois être content, Marc. Ben, c'est un beau titre. Oui. Pendant ce temps-là, on va créer une légère ambiance. Mais tu chante? Comme... Ça. C'est du faux l'agitation. Oh, mon Dieu. Hey, c'est extraordinaire. OK. Je te mangerai. Un critique culinaire dépressif publie un roman à caractère pornographique. Numéro 2, je te mangerai. Un désaxé sorti de prison poursuit avec insistance une jeune aveugle sans le sou. Numéro 3, je te mangerai. Une grand-mère entreprend une thérapie particulière après avoir été victime d'une série de cauchemars sanglants. Numéro 4. Je te mangerai. À Lyon. L'aspirante pianiste qui partage l'appartement d'une amie d'enfance, étudiante en médecine, tombe peu à peu sous son emprise. Oh. Je vais dire à Lyon. OK, alors, attends. Xavier, toi, tu prends à Lyon. Non. Je vais dire l'aveugle sans le sou. Je vais dire l'aveugle sans le sou. L'aveugle sans le sou. Je vais dire l'aveugle sans le sou. La 2. OK, aveugle. Moi, je vais dire à Lyon. OK, Max. Donc, la 4, Lyon. Oui, je dirais la grand-mère, moi. La grand-mère, donc ça, c'est la 3. C'est la 3, ouais. Alors, la bonne, c'est à Lyon. Yes! Fuck! C'est la bonne? C'est la bonne définition. Fuck! C'est la bonne définition. Oui, c'est la vraie définition. Pas que t'as écrit avec sans le sou? Oui. Tabarnak! Je me faisais tellement rire, t'as dit, ben, je vais prendre l'aveugle. Oui. L'aveugle sans le sou, c'est Anne. La grand-mère qui entreprend une thérapie particulière, c'est. Ben, voyons. C'est Max. Ah, ça avait l'air puis d'un le critique vrai, culinaire dépressif, ça, c'est Xavier. Oh, mon Dieu. Puis la vraie, donc, c'est Lyon. Oh, oh, alors. Oh! Oh! Cœur de braise. Oh! Cœur de braise! Oh! Cœur de braise. Oh! Cœur de braise. Wow. Oh, mon Dieu. Cœur de braise. J'aime tellement ce jeu. Je peux pas vous dire à quel point j'aime ça. C'est jouer à ça. Jouer à cœur de braise. Tu me restes merveilleux en même temps. Crise de belle mort. Cœur de braise. Dans le désert de l'Indiana, un jeune apache adopté par une famille de colons sud-américaines s'adapte difficilement à la civilisation. 2. Ça, c'est très bon. Cœur de braise. Une veuve mère de 2 enfants hésite à s'engager dans une relation avec un pompier. 3. Un politicien adoré de tous profite de son védétariat pour manigancer un stratagème cruel afin d'éliminer ses adversaires. 4. Cœur de braise. Un pistolero sur le déclin se remémore ses amours passés avec la fille du propriétaire influent d'un saloon. Ça, c'est très drôle, mais c'est pas ça. Ça se peut pas que ce soit ça. Okay. C'est très drôle, mais ça se peut pas que ce soit ça. Bon. Ok. Alors, moi, j'ai allé avec le numéro 1, le désert de l'Indiana. Indiana, c'est très bon. Hein? Max. La veuve, c'était quoi déjà encore? J'ai marqué veuve, puis je me souviens plus. C'était le deuxième. 2. Une veuve mère de 2 enfants hésite à s'engager dans une relation avec un pompier. Oh non, je vais dire Indiana. Cœur de braise. Ben, oui, je vais dire Indiana. Moi, je vais y aller pour le politicien. Juste pour... Mais... Bon, alors les jeux sont faits. Cœur de braise. Oui. Une veuve mère de 2 enfants ben, hésite à s'engager dans une relation avec un pompier. Mais voyons. On va appeler ça cœur de braise. Ben oui, mais c'était tellement... Mais oui, mais c'était tellement gros. Moi, je dis, ben voyons, là. Hey, je l'ai... C'est texto. texto. Des fois, je change quand je me dis non. Cœur de braise avec un pompier. C'est texto. C'est assez cœur de braise. Qui avait fait l'Indiana? C'est moi. C'est Marc. Mais ça, c'était... C'est formidable. C'est ce que je lui dis parce qu'on pense que cœur de braise, c'est le nom de l'Indien. Oui, le jeune homme. On pense qu'il s'appelle cœur de braise. Hey, ben vif argent, oui. Cœur de braise. Vif argent, oui, c'est ça. Biche... Aigle furtif. Oui, biche pensive. Oui. Oui. Mais bon. Il y en a eu, ben oui. OK, j'en ai un peut-être que... Passager clandestin. Passager clandestin. OK, c'est bon. Alors, numéro 1. Passager clandestin. Dans le New York post-industriel du 21e siècle, un ventriloque provincial usurpe l'identité d'un enfant star de Broadway. Numéro 2, passager clandestin. Une jeune femme au passé nébuleux fait la rencontre d'un danseur de music-hall lors d'une croisière dans les îles du Pacifique. Numéro 3, passager clandestin. Les occupants d'une base lunaire américaine deviennent la proie d'une créature meurtrière. Numéro 4, passager clandestin. Sous l'occupation allemande, une jeune violoniste hongroise élabore adroitement l'évasion de sa famille hors de Budapest. C'est très, très difficile. Ouais. Je pense qu'elle est pour la créature. La créature meurtrière? Oui. OK. C'est tellement mauvais. Moi aussi. C'est ça que j'avais pris. Fuck. Je vais prendre Budapest. Budapest. OK. C'est quoi la vraie? La vraie. Les occupants d'une base lunaire américaine deviennent la proie d'une créature meurtrière. La numéro 3. Passage. Toi, t'es le bras, t'es le ventriloque. Ah oui. Moi aussi, j'y ai pensé. Ah, oui. Voyons, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je change complètement de style? Ben non. La hongroise, c'est toi. Tu trouvais ça très, très conventionnel, mais oui, très juste. Oui, c'est straight comme les pierres. Mais c'était parfait. Bon, fait que finalement, moi, j'étais un trou de cul. Moi, j'avais parlé du musical. J'ai un point. Bon. Mais t'as pas voté pour moi? Excuse-moi. C'est moi le trou de cul. J'ai un point. Moi, j'en ai... T'as trois points. Anne, j'ai deux. Trois points, mais Chris, comprends-tu? Moi, j'en ai zéro. Pas ce tour-ci, en tout. En tout. Moi, je pars de ce tour-ci. En tout! Oh là là. Alors, les points? Marc, 8 points. Ben, t'es le grand gagnant. Hey, sais-tu, j'aime-tu ça, ce jeu-là? Maxwell, 5 points. 5 points, Max. 5 points. Quand même. Moi, j'ai besoin bon, Xavier et moi, 3 points. On est des trous de cul, nous autres. On est de la merde. Non? On vous montre comment jouer, puis vous nous traitez comme des esprits. Ben, c'est ça, que voyons. franchement, on avait un peu d'avance, mais c'est comme si on n'avait jamais existé. Non, vous êtes formidable. Hey, mais vraiment, c'est-tu le fun, ce jeu-là? Sérieusement, très le fun. Vraiment, c'est le fun, hein? Oui, pour vrai, tu c'est le fun. Tu as pris beaucoup de plaisir. Ah, beaucoup. Fait vraiment, si recommence... j'ai pas vu le temps passer. J'ai peut-être développé un cancer, je sais pas. Non, j'ai non, fun rien développé, début à la fin. J'ai manqué quelques anniversaires. J'ai manqué quelques anniversaires. J'ai probablement. J'ai peut-être. Non, mais c'est. On est un souper, on est. Mettons 8. 8, c'est... Ouais, c'est, ouais, c'est 8, c'est très bon. Regarde, j'ai un tonneau en fût. Santé. Hey, merci beaucoup. Salut. Hey, c'est bien le fun, ça. Oh. C'est parti à 4. Hey. C'était le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Pour connaître les règles du jeu du synopsis et la manière de calculer les points, rendez-vous à ici.radio-canada.ca/le plus beau jour.